La cérémonie consacrée à la Journée mondiale du tourisme 2016 s'est déroulée le 27 septembre à l'hôtel international Yanggakdong. Il y a eu une explication sur le tourisme coréen et la présentation des photos. Y ont pris part des officiels intéressés, des diplomates et des représentants des institutions internationales en Corée. Après les discours, les participants ont vu le vidéo sur le tourisme en Corée et des photos présentant les grands monuments architecturaux et les lieux touristiques célèbres coréens.